The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Persuasion. L'obédience. To crusade against. Partir en croisade contre. Ecumenical. Œcuménique. Speed up. La montée en puissance. Sunday. Dominical. Consensual. Consensuel. To act as if. Faire mine de. Take someone down a peg or two. Moucher quelqu'un. Fiefdom. Le précaré. To jeopardize. Mettre à mal. Now, a bit faster. Persuasion. L'obédience. Fiefdom. Le précaré. Persuasion. L'obédience. To jeopardize. Mettre à mal. Persuasion. L'obédience. Take someone down a peg or two. Moucher quelqu'un. Ecumenical. Œcuménique. To jeopardize. Mettre à mal. Consensual. Consensuel. Take someone down a peg or two. Moucher quelqu'un. Persuasion. L'obédience. Speed up. La montée en puissance. Consensual. Consensuel. Persuasion. L'obédience. To crusade against. Partir en croisade contre. Persuasion. L'obédience. To act as if. Faire mine de. Ecumenical. Œcuménique. To crusade against. Partir en croisade contre. Consensual. Consensuel. Take someone down a peg or two. Moucher quelqu'un. Now, use the words in context. L'obédience. The three major Christian persuasions in Europe are Catholicism, Orthodoxy, and Protestantism. Les trois plus grandes obédiences chrétiennes en Europe sont le catholicisme, l'orthodoxie et le protestantisme. Partir en croisade contre. This big NGO has decided to wage a crusade against racism and xenophobia. Cette grande ONG a décidé de partir en croisade contre le racisme et la xénophobie. Œcuménique. It's purely for ecumenical reasons that the two trends have decided to come to a consensus. C'est dans un but purement œcuménique que les deux courants ont décidé de trouver un consensus. La montée en puissance. Authorities are concerned by the steep rise of neo-Nazism in Sweden. La montée en puissance du néonazisme en Suède inquiète les autorités. Dominical. I wouldn't miss our Sunday family walk for anything in the world. Pour rien au monde, je ne manquerai notre promenade dominicale en famille. Consensuel. The very contentious speech given by the association's president has shocked many members. Le discours très peu consensuel du président de cette association a choqué bien des membres. Faire mine de. He pretended to listen to her for one hour. Then he got closer to her and kissed her. In fact, he just wanted to seduce her. Il fit mine de l'écouter pendant une heure, puis s'approcha d'elle et l'embrassa. En fait, il ne voulait que la séduire.